130 livres, chronique du 5 mai 2021, pour en finir avec Paul contre Askren. Le 17 avril 2021 restera à jamais pour l'amateur de boxe la date d'une soirée de cauchemar. Sous l'audacieux slogan « We're bringing boxing back », la plateforme d'échange de vidéos Thriller organisait à Atlanta un événement hybride, sorte de réunion de boxe entrecoupée de sets musicaux et séquences de stand-up bien d'aujourd'hui. Qu'ils commentent les combats ou présentent les festivités, les célébrités au micro juraient comme des Chartiers et ricanaient comme l'innocent du village, ne songeant pas une seconde à dissimuler ébriété profonde ou fracassage à la marijuana, le tout à la grande joie du public présent. Sur le ring, symboliquement positionné en retrait de la scène, on vit se succéder d'étranges confrontations. Le pugiliste retraité Steve Cunningham battit au poing un mastodonte quadragénaire spécialiste du combat libre, Frank Mir, dont c'était le premier combat de boxe. Régis Progrès, un authentique boxeur de haut niveau, battit le second couteau Ivan Redcash sur une étrange décision technique, plus tard requalifiée en KO. Enfin, clou du spectacle, le youtubeur Jack Paul vainquit par KO au premier round de l'ancien combattant de l'UFC, Ben Askren. Une grosse droite valut à Paul sa troisième victoire en autant de combats professionnels. La deuxième fut enregistrée contre l'ancien joueur de NBA, Nate Robinson. En surpoids et techniquement très peu au point, Askren offrit à Paul une moins bonne réplique que le basketteur. Le youtubeur et son entourage célébrèrent pourtant ce nouveau succès comme s'il s'était agi d'un championnat du monde. Pour le combat, il avait touché un salaire garanti de 690 000 dollars contre 500 000 pour Askren, à comparer aux 216 140 de la bourse de Nordin Ubali pour la défense à venir de son titre WBC des poids coqs contre le futur pensionnaire du Hall of Fame, Nonito Donaire. Largement assuré par Jack Paul, professionnel du genre, la promotion de l'événement sur les réseaux sociaux permit d'attirer autour d'1,4 million d'acheteurs en pay-per-view, soit assez pour multiplier par 20 la paye du grand vainqueur du soir. Le 17 avril 2021 restera à jamais pour l'amateur de boxe la date d'une soirée de cauchemar. En léger décalage avec Paul contre Askren, la chaîne en ligne DAZN diffusait pour ses abonnés une réunion de boxe de facture classique dont la tête d'affiche était le champion WBO Demetrius Andrade, opposé au challenger anglais Liam Williams. On passera sur le contenu de la sous-carte, guère mieux qu'un obscur championnat IBO à se mettre sous la dent, pour s'intéresser au combat vedette. Le gaucher Andrade n'était pas Jack Paul. Il avait disputé les JO de Londres, puis toujours invaincu en professionnel, remporté des titres mondiaux en super welter et moyen. Dur au mal mais limité, son adversaire du soir avait le profil requis pour le faire briller, et pendant les trois premières reprises, Andrade offrit un aperçu de ses réelles qualités pugilistiques. Excellent mouvement latéral et changement de direction inattendu, vitesse de main, uppercut du bras avant donné sans préparation, puissance non négligeable, au point d'envoyer Williams au tapis sur un 1-2 décolle dès la deuxième reprise. La suite du combat, elle, eut tout du pensum. Jugeant en avoir fait assez ou surpris par la résistance de l'anglais, Andrade s'en remit à une tactique minimaliste de jab suivi d'accrochage, sans que l'arbitre semble lui en tenir rigueur. Une large et cohérente victoire au point le récompensa à l'issue des 12 rounds, mais on s'était ennuyé ferme. Âgé de 33 ans, Andrade détient depuis 2018 l'un des quatre titres mondiaux réputés majeurs de la boxe professionnelle à 160 livres. Mais sa meilleure victoire remonta, 2013, lorsqu'il remporta sa première ceinture à 154. Le vaincu par décision partagée, Vanessa Martirosyan, lui avait donné du fil à retordre, marquant d'entrée un knockdown. Avant de mettre fin à sa carrière sans avoir jamais été titré, Martirosyan enregistra trois autres défaites contre Jermell Charlo, Erislandi Lara et Gennady Golovkin, des adversaires d'un niveau supérieur à tous ceux qu'Andrade a affrontés depuis en sept championnats du monde. Lorsqu'on lui tend un micro, Boubou Andrade affirme sans rire que les autres cadors ont tous peur de lui. Le 17 avril 2021 restera à jamais pour l'amateur de boxe la date d'une soirée de cauchemar. Comme tant d'autres, j'avoue avoir moqué le principe du Thriller Fight Club pour le battage assourdissant autour de Paul contre Askren, avant de m'offusquer de son vrai carton d'audience. Les acheteurs étaient tous des crétins finis ou des incultes et les participants à cette farce des cyniques ou des imposteurs. Du haut d'un supposé statut de vrai fan du sport, mon jugement était sûr et irrévocable. Puis la colère retombée, j'ai un peu réfléchi. Gageons que je ne serai jamais dans le cœur de cible d'un Paul contre Askren alors que je corresponds largement, à 6 fuseaux horaires près, à celui d'Andrade contre Williams. Pour autant, si les deux événements devaient se reproduire, que pourrais-je décemment conseiller à un téléspectateur occasionnel ou casual fan du noblard qui souhaiterait juste passer un putain de bon samedi soir loin du boulot, de la Covid et de sa feuille d'impôt? La triste vérité est que je lui conseillerais un bon DVD. Au moins, les iconoclastes du thriller Fight Club ont-ils fait l'effort de saisir l'air du temps, la promotion en ligne, le format innovant, ainsi que ce qui fait l'essence de la boxe télévisée, l'excitation qui monte des semaines durant, puis un putain de bon samedi soir, loin de tout ce qui ennuie ou contrarie l'honnête homme. Sur DAZN, on vit la boxe telle qu'HBO la montrait voici 30 ans, une kyrielle de boxeurs médiocres et une présumée star jamais sortie de sa zone de confort en 12 ans de carrière professionnelle. Peut-être un peu de gnoul et de ganja eût-il rendu l'affaire plus agréable à suivre. Quoi qu'il en soit, côté puriste de la boxe, le tableau offert n'est guère reluisant. Le noblard ne mourra jamais, quoi qu'en pensent les élateurs du MMA, dont les champions sont les premiers à quémander une part du gâteau que rapporte toujours sa grande sœur. Elle est trop fascinante, trop essentielle, trop chargée de mythes et d'histoires pour cela. Mais les légions de gagne-petits qui vivent à ses crochets se foutent bien qu'elle devienne un sport de niche, du moment que leur soupe reste bonne. Le 17 avril 2021 restera à jamais pour l'amateur de boxe la date d'une soirée de cauchemar. Parce qu'avec le triomphe du Thriller Fight Club, elle aura attendu au protagoniste traditionnel de ce sport le plus cruel des miroirs. Des diffuseurs dénués de la moindre espèce d'imagination à l'heure d'améliorer la qualité de leurs produits, des champions cramponnés à leur CV vierge de défaite qui se prennent tous pour Floyd Mayweather Jr. sans avoir jamais montré le quart de son talent, des fédérations qui multiplient les ceintures vides de sens parce que les 4 titres mondiaux distribués dans 17 catégories de poids ne leur suffisent plus. Des promoteurs encroutés dans leur guerre de tranchées dont la seule audace périodique consiste à trouver comment attirer des casual fans devant des pay-per-views qui ne le mériteront pas et les dégoûter ainsi une bonne fois pour toutes d'y revenir. Le hardcore fan qui s'accroche malgré tout, lui, n'intéresse plus personne. Évidemment, on caricature. Pour l'événement traditionnel du Cinco de Mayo, Canelo Alvarez affrontera enfin l'invaincu Billy Joe Saunders, 3 ceintures des super moyens en jeu. Y succéderont 2 autres excellents combats d'unification en super léger, Taylor contre Ramirez et Super Welter, Charlo contre Castagno. Le sommet des poids lourds d'outre-Manche opposant Anthony Joshua à Tyson Fury devrait être entériné cette semaine, fut-il privé du seul écrin qui lui siérait, un Wembley plein jusqu'à la gueule d'anglais ivres et enthousiastes. Et voir Oubali en vedette d'un combat de prestige, même payer des queues de cerises en comparaison d'un Jack Paul, sera une rare friandise pour les fans français. Reste que ces soirées de boxe classiques, si savoureuses sur le papier, ont tout intérêt à tenir leurs promesses. Thriller récidivera le 5 juin prochain avec un affrontement de champions des légers entre Teofimo Lopez et George Kambosos. Vraie bonne affiche complétée de l'inévitable freak show en sous-carte. On parle ainsi du quasi-sexagénaire Evander Holyfield contre l'ultime vainqueur de Tyson, Kevin McBride. Espérons que le plus beau des sports sorte moins abîmé que régénéré de l'aventure du Thriller Fight Club. Et d'ici là, n'oublions pas que Paul contre Askren relève du symptôme, alors que les multiples maladies dont souffre la boxe sont connues depuis longtemps.